cercle de pourrir. Vers les miroirs de l'avenir. Quand nos illusions dérisoires s'effritent et glissent dans le noir. Quand on n'a plus aucun espoir. Quand coulent des temps oubliés. L'eau morte des années passées. Quand on pense aux amours perdus, aux amis jamais revenus, quand on sait ses rêves vaincus, alors se souvenir, c'est pire que mourir, se sentir impuissant à retenir le temps, alors se souvenir. C'est pire qu'à mourir, se sentir impuissant et voir s'échapper le présent. Quand on se sent le cœur fané, gravé des griffes du regret. Et qu'on s'assied sur le chemin, quand on est seul face à demain. Alors on va jeter sa vie, lancer ses dés sur le tapis. Quand on joue son dernier espoir pour fermer mémoire, quand on ne peut plus recevoir, alors se souvenir, c'est pire que mourir, se sentir impuissant à retenir le temps, alors se souvenir, c'est pire que mourir. Se sentir impuissant et voir s'échapper le présent.